إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue cette explication de Cheikh Saleh Al-Fawzan au sujet du statut de la Sunna dans l'islam, et en terminant dans la dernière partie qu'on a fait, on expliquait des exemples de deux hommes. Le premier, celui qui refusait d'obéir au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par arrogance, par orgueil. Et lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui ordonnait de ne pas manger avec la main gauche, il a refusé de le faire par orgueil, et donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a invoqué contre lui et sa main est restée paralysée. Il ne pouvait plus la bouger par la suite, et ça c'est un châtiment qui lui est arrivé dans cette dunya pour avoir désobéi au messager sallallahu alayhi wa sallam par arrogance et orgueil. Et on a l'exemple de l'autre homme qui est l'attitude opposée à celle-ci. C'est l'homme qui était en présence du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qui avait une bague en or, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a enlevé et l'a jeté par terre. Et après que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam soit parti, les gens autour ont dit: ramasse ta bague. Ce sahabi a dit: je ne reprendrai jamais quelque chose que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a jeté par terre. Et on voit dans ce comportement là et dans cette attitude la différence entre les deux hommes, et comment le deuxième exemple montre un exemple de foi par opposition au premier. Maintenant, le cheikh il continue à donner quelques exemples pour nous faire comprendre le comportement et l'attitude des sahaba vis-à-vis de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam et vis-à-vis de l'obéissance à Allah et à son messager. Le cheikh il dit: مثال آخر امتثال الصحابة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كان المسلمون في أول الهجرة يصلون إلى بيت المقدس بأمر الله سبحانه وتعالى ثم إن الله جل وعلا أمرهم بالتوجه إلى الكعبة المشرفة فقال فولي وجهك شطر المسجد الحرام فحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة واتجه المسلمون إلى الكعبة بأمر الله سبحانه وتعالى كانوا في أول الأمر يصلون إلى بيت المقدس بأمر الله كما قال تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم فقال سبحانه قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Donc le cheikh explique un autre exemple, c'est l'exemple comment les sahaba mettaient en application l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les ordres du messager sallallahu alayhi wa sallam dans la sunnah. Et cet exemple c'est lorsque les musulmans au tout début, de la hijra, les gens priaient vers Bayt al-Maqdis, c'est-à-dire ils priaient vers la Syrie, vers la Palestine, Bayt al-Maqdis. Puis, il priait vers cette direction-là par l'ordre d'Allah. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur avait ordonné de prier dans cette direction-là. Puis, Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de se détourner de cette direction-là et de s'orienter vers la Kaaba, al-Musharrafa. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans un verset, le verset 144, dans Surat al-Baqarah, « Alors tourne ton visage vers la direction de Masjid al-Haram. » Donc, la Qibla, la direction dans la prière, elle a été changée de Bayt al-Maqdis vers la Kaaba. Alors, les musulmans ont commencé à se diriger vers la Kaaba par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, au début, ils priaient vers Bayt al-Maqdis par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 115, dans Surat al-Baqarah, « C'est à Allah qu'appartient l'Orient et l'Occident. » Alors, peu importe la direction dans laquelle vous vous tournez, vous trouverez dans cette direction-là le visage d'Allah. Et Allah est certes large et omniscient. Et il mentionne le verset 142 dans Surat al-Baqarah également, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Dis, ô Muhammad, que c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'appartient l'Orient et l'Occident, et il guide qui il veut vers un droit chemin. » Donc le cheikh il continue, il dit, « L'a'tirada ala Allah subhanahu wa ta'ala, fa nazala l'amr min as-sama bitahwil al-qibla ila al-ka'bah al-musharrafa, fa kana nas min as-sahaba yusallun al-'asr ila bayt al-maqdis, li'annahum ma 'alimu bitahwil al-qibla, fa ja'ahum rajul min as-sahaba wa hum fi as-salah, wa qala lahum in al-qibla huwilat ila al-ka'bah, fa ma kana minhum illa an istadaru wa hum fi as-salah, istadaru min bayt al-maqdis ila al-ka'bah امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى دون اعتراض بدون سؤال لماذا ولماذا. هذا هو الإيمان المؤمن ممتثل ما دام ثبت أن الله أمر بهذا أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، فالواجب الامتثال بدون اعتراض. أما الذين في قلوبهم مرض وفي قلوبهم نفاق، فالله جل وعلا يقول: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Donc le cheikh il dit qu'il n'y a pas d'objection, hein, ou اعتراض, c'est-à-dire tu ne vas pas t'objecter à Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il révèle son ordre et son commandement. Hein, lorsqu'il fait descendre son commandement du ciel et lorsqu'il a ordonné de changer la Qibla de Bayt al-Maqdis à la Kaaba, eh bien il n'y a pas d'objection et il n'y a pas de critique ou de questionnement à poser. Et l'exemple de ça, c'est lorsque des Sahaba priaient Salatul Asr. À ce moment-là, ils priaient vers Bayt al-Maqdis parce qu'ils n'avaient pas encore entendu l'obligation de changer de direction. On leur avait pas encore transmis l'ordre de changer de direction dans la prière. Alors, ils étaient en train de faire la salat, salat al-asr, et durant leur prière, un homme est venu parmi les sahaba leur dire que la prière avait changé de direction, qu'ils devaient maintenant prier vers la Kaaba. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont immédiatement changé leur direction. Ils se sont tournés alors qu'ils étaient dans la salat. Ils se sont tournés vers la Kaaba. Et ça, c'est pour mettre en application l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala sans aucune objection, sans aucune question, sans demander « Mais pourquoi ? Pourquoi ?» Et ça, c'est la foi. Et le croyant, tant qu'il est certain que l'ordre en question vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est quelque chose d'authentique et de véridique, alors il met en implémentation et il applique le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est l'obligation que chaque croyant a, c'est-à-dire il doit obéir et mettre en application le commandement d'Allah sans objection et sans questionner trop, hein, des questionnements, des choses de ce genre au sujet des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tandis que ceux qui ont une maladie dans leur cœur, ceux qui ont de l'hypocrisie dans leur cœur, Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné cette catégorie de personnes dans le verset 142, dans surat al-Baqarah, en disant « Sayaqulu as-sufaha'u minan nas » Il y en a certains faibles d'esprit parmi les hommes diront « Qu'est-ce qui les a fait changer de la Qibla vers laquelle ils se tournaient auparavant ?» Dit « C'est à Allah qu'appartient l'Orient et l'Occident, il guide qui il veut vers un droit chemin. » Le Cheikh dit « Ha'ulai fi qulubihim nifaqun wa maradun yaftahuna majal al-as'ila wal-i'taradat » ولكن أهل الإيمان ولكن أهل الإيمان يتمثلون بلا اعتراض. Donc le cheikh il dit ceux-là c'est des gens qui ont de l'hypocrisie et une maladie dans le cœur. Et donc ils ouvrent, hein, ils ouvrent la possibilité de, ou bien ils amènent des questionnements et des objections aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Pourquoi on change? Pourquoi c'est comme ça, hein? Et ils s'objectent à ses ordres. Et donc ça c'est, hein, l'exemple des gens qui ont une maladie dans le cœur. Ensuite le cheikh il dit هذه نموذج أو بعض نموذج من مكانة السنة النبوية في صدور المسلمين وعملهم بها واقتناعهم بها وأنها هي الأصل أنها هي الأصل الثاني من أصول الأدلة في الإسلام يعظمونها ويحترمونها ويوقرونها لأنها كلام نبيهم الذي لا ينطق عن الهوى لأن في امتثالها الخير والبركة والبر لأن للأمة لأنها توجيهات نبوية وأوامر شرعية فيها الخير وفيها البركة للأمة هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit que ça ce sont quelques exemples, on a donné quelques modèles, quelques exemples du statut de la sunna an-nabawiyya dans le cœur des musulmans, et on a donné des exemples de la façon dont ils le mettaient en pratique, dont ils mettaient la sunna en pratique, et à quel point ils étaient convaincus de cette sunna, et que c'est dans l'islam le deuxième fondement, hein, de la charia, parmi les fondements des preuves de l'islam, et qu'ils avaient pour la sunna un grand respect, et qu'ils avaient une grande observation de la parole de leur prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne parle pas selon la passion ou sous l'effet de la passion, et qui ne parle que par révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parce que c'est quelque chose qui représente le bien, la bénédiction et la bonté pour la Ummah, parce que ce sont des ordres et des conseils de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous orienter, et des ordres, hein, qui ont été légiférés dans lesquels il y a du bien et de la bénédiction pour la Ummah. Donc c'est ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a des exemples, d'autres exemples qui peuvent être mentionnés de ça dans d'autres livres et dans d'autres les explications des ulama. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a un livre qui s'appelle Raf'ul Malam an al-A'immat al-A'lam ou an A'immat al-A'lam. Dans ce livre là il mentionne beaucoup d'exemples, comment les sahaba se référaient à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est une preuve en soi aussi que la sunna est une référence et que c'est une source pour la législation dans l'islam, que c'est un fondement de la charia comme le Coran. Et donc ça c'est des exemples. Et après le cheikh dit « وَهَذِهِ مَكَانَتُهَا فِي قُلُوبِ الْمُسْلِمِينَ وَإِنْ تَأَخْرَ زَمَانُهُمْ يُعَظِّمُونَهَا وَيَحْتَرِمُونَهَا وَيَمْتَثِلُونَهَا كَأَنَّهُمْ يَسْمَعُونَ الرَّسُولَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَتَكَلَّمُ بِهَا لِأَنَّهَا بِلُغَتِهِمْ مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ لِأَنَّهَا بلغتهم لأنها بلغتهم من وجه صحيح فلا مجال للتشكيك أو للتشكك فيها أو في مدلولها فالمؤمن يمتثلها ويطبقها على نفسه وعلى غيره ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم نضر الله امرئا سمع منا حديثا فبلغه كما سمع فرب مبلغ أوعى من سامع أو كما قال عليه الصلاة والسلام فرغب صلى الله عليه وسلم بتبليغ سنته إلى من بعده من أمته إلى أن تقوم الساعة وقال عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما خطب خطبته العظيمة في عرفات قال وليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مبلغ أوعى من سامع. Donc le cheikh il explique maintenant donc que ça c'était la position et le statut de la sunna dans le cœur des musulmans. Même si leur époque est venue très tard par la suite, ils continuaient à respecter la sunna et avoir un grand respect pour cette sunna et ils continuaient à la mettre en application. Et ils l'appliquaient comme s'ils étaient en train d'entendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui parler, leur parler. Hein? Comme si c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui leur parlait directement. Parce que cette parole leur a été transmise d'une façon qui est authentique et correcte, dans laquelle il n'y a aucun doute, hein, aucune place pour le doute. Et le croyant, donc, il met ses ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam en application et il les applique sur lui-même et il appelle les autres à les appliquer également. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne dans un hadith rapporté par At-Tirmidhi, نضر الله امرئا سمع منا حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من سامع. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala illumine le visage de celui qui entend de notre part une parole ou un hadith et qui le transmet comme il l'a entendu. Parce qu'il est possible que celui qui مبلغ أوعى من سامع. Car il est possible que celui qui transmette soit plus capable de comprendre la signification de cette parole que celui qui l'a entendue en premier. Et il dit ensuite, et c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a incité les gens à transmettre sa sunna. Que celui qui l'entend la transmette à ceux qui viennent après. Et il mentionne justement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait son dernier hajj, le hajj de l'adieu, il a fait un khutbah, une grande khutbah à Arafat. Et dans cette khutbah, il a dit que celui qui est présent, qui est témoin, transmette à celui qui est absent. Hein, parce qu'il est possible que la personne à qui on transmet cette parole, eh bien, il va mieux comprendre que celui qui l'a entendu. فَأَمَرَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِينَ حَضَرُوا وَشَهِدُوا مَعَ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ أَنْ يُبَلِّغُوا غَيْرَهُمْ وَأَنْ يُبَلِّغُوا الْغَائِبِينَ مِنْ أُمَّتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. ولهذا كانت عناية المسلمين بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتلقيها وحفظها وضبطها كانت عناية عظيمة فاقت مجهود الأمم كلها وليس هناك أمة من الأمم اعتنت بآثار رسولها ونبيها مثل هذه الأمة المحمدية فكانوا يحفظون السنة في صدورهم حفظا عن ظهر قلب ويلقنونها لغيرهم ويبلغونها لغيرهم السابق يبلغ اللاحق جيلا بعد جيل فكانوا إلى جانب ذلك إلى جانب الحفظ والإتقان كانوا يكتبون الأحاديث كتابة صحيحة وكتابة مطابقة لما سمعوا أو ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيحفظونها في الصدور وفي السطور. ولكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كتابة الحديث فقال من كتب عني شيئا فليمحه. والغرض من ذلك أن لا يختلط الحديث بالقرآن، فكان ينهى عن كتابة الحديث لأن لا يظن أنه من القرآن. ثم إنه أذن لبعض الأشخاص في الكتابة من صحابته. Donc le cheikh il explique ensuite donc qu'il a ordonné à ceux qui étaient présents de transmettre sa parole à ceux qui étaient absents. Il a ordonné de la transmettre et les musulmans, alhamdoulilah, ils ont donné beaucoup d'importance et beaucoup d'attention au sujet de la transmission des paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils les apprenaient, ils les écoutaient, ils les mémorisaient, hein, et ils les écrivaient également. Et ils ont donné à ça une grande importance. Et ils ont dépassé toutes les autres nations dans ce domaine. C'est-à-dire que si tu regardes l'attachement et l'attention que les musulmans ont donné à la transmission de la sunna pour la transmettre de façon authentique et exacte, et que tu compares la façon dont les musulmans ont procédé pour faire ça à tout ce que les autres nations ont fait précédemment avec les paroles de leurs prophètes précédents, eh bien tu vas voir qu'il n'y a rien qui égale l'exemple, hein, de ce que la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait pour préserver la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et en particulier qu'est-ce qu'on appelle al-isnad, hein, la chaîne de transmission, qui est quelque chose qu'on ne retrouve que dans l'islam. Al-isnad, comme disait l'imam Abdullah ibn al-Mubarak, comme c'est mentionné dans l'introduction de l'imam Muslim dans son sahih, il disait que al-isnad min ad-din wa lawla al-isnad laqala man sha'a ma sha'a. C'est-à-dire que l'isnad, elle fait partie de la religion. Et si ce n'était de l'isnad, eh bien, quiconque pourrait dire ce qu'il veut. Hein? Donc, le fait de poser les questions et de regarder qui a transmis la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de vérifier les transmetteurs et les narrateurs, ça c'est quelque chose qui est particulier à l'islam. Si tu regardes chez les chrétiens, tu ne trouves pas ça. Si tu regardes chez les juifs, tu ne trouves pas ça. Hein? Donc ils n'ont aucun moyen de vérifier l'authenticité des paroles qu'ils transmettent de leurs prophètes dans leur religion, hein? Et ça c'est quelque chose qui est exclusif et particulier à l'islam, et ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala, hein, qui a donné et fait grâce de cette chose à la umma. Et bien entendu on pourrait rajouter et expliquer beaucoup plus en détail cette question là mais l'important c'est juste maintenant juste de passer pour expliquer ou mentionner ce point comme exemple. Puis, Inch'Allah, si jamais un jour on a l'occasion de donner plus de détails et d'explications à ce sujet-là, Inch'Allah, eh bien, on le fera dans une autre occasion, bi'idhnillah. Mais c'est juste pour faire comprendre, hein, à quel point cette umma a mis beaucoup d'importance dans la préservation de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il la mémorisait. Ils mémorisaient la sunna et ils l'apprenaient par cœur. Ils apprenaient la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam par cœur. Et ils la transmettaient aux autres. Ils la transmettaient et les autres la transmettaient, hein, comme ainsi de génération en génération. Et en plus de la mémorisation et de la maîtrise des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il ne faut pas oublier que les Arabes à l'époque sont une tradition orale, dans le sens que ils ont la, yani c'est pas une umma qui écrivent, c'est une umma qu'on dit ummiya, hein, elle n'écrit pas, mais ils se transmettent les informations de génération en génération par parole, par la parole. Hein? Donc ils mémorisent et ils ont une mémoire très développée et ils mémorisent parfois même, ils mémorisaient les poèmes. Hein? Ils les entendaient une fois et ils le mémorisaient par la suite. Donc ils étaient habitués hein, à cette tradition orale. Et donc ils se transmettaient les choses de cette façon. Donc ils ont utilisé cette capacité, cette mémoire qu'ils avaient, qui était très développée, pour justement préserver la sunna et la transmettre de cette manière pour qu'elle soit préservée de façon authentique. Mais en plus de ça, eh bien, ils écrivaient aussi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils l'écrivaient de manière exacte et correcte, en accord ou de manière qui correspond à ce qu'ils avaient entendu. Hein? Comme elle avait été transmise et prononcée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en plus de ça, donc, il le mémorisait. En plus de l'écrire, il le mémorisait aussi. Mais, bien entendu, comme le cheikh mentionne ici au tout début, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam interdisait qu'on écrive ses paroles. Et comme c'est rapporté dans Sahih Muslim, il disait, celui qui a écrit quelque chose de moi, alors qu'il l'efface. Parce qu'au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas qu'on écrive le hadith pour ne pas que ce soit mélangé avec le Coran. Donc, par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis à certains individus parmi les sahaba d'écrire le hadith. Le cheikh dit « Wa kana Abdullah ibn Amr ibn al-As kana yaktub ma yasma'uhu min al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wa lihada kana Abdullah ibn Amr ibn al-As من أكثر الصحابة رواية لأنه كان يكتب الأحاديث ثم يسمعها لأنه كان يكتب الأحاديث التي يسمعها لكن كانت عناية المسلمين للحفظ أشد من الكتابة كانوا يحفظون السنة ويحملونها في صدورهم ويتدارسونها ويبلغونها بل كان الواحد منهم يسافر من الحجاز إلى مصر ليطلب حديثا لطلب حديث واحد عند بعض الصحابة وتعلمون المسافة بين مصر وبين الحجاز وتعلمون أنه في ذاك الوقت لم يكن فيه طائرات ولا بواخر ولا سيارات كانوا يسافرون على الإبل هذا يدل على عنايتهم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم وإجلالهم وتوقيرهم له ثم بعد ذلك في عهد الخلفاء أو في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بدأ تصنيف الحديث وكتابة الحديث والعناية به. Donc le cheikh il explique que parmi les compagnons qui écrivaient le hadith, il y a Abdullah ibn Amr ibn al-As. C'est un des compagnons à qui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné d'écrire les hadiths. Et également, Abdullah ibn Abbas écrivait les hadiths aussi. Hein? Cheikh, il a mentionné que Abdullah ibn Amr ibn al-As, mais Abdullah ibn Abbas aussi, et donc, parmi les sahaba écrivait les hadiths. Il y a un livre écrit par l'imam al-Khatib al-Baghdadi qui s'intitule Taqyid al-Ilm. Si je ne me trompe pas, c'est un livre justement qui parle de la question d'écrire les hadiths, et ainsi de suite. Taqyid al-Ilm. Et un de nos professeurs, justement, dans la faculté de hadith, il nous avait fait lire des passages de ce livre pour comprendre ce sujet. Donc, il écrivait les hadiths de qu'est-ce qu'il entendait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour cette raison-là qu'on retrouve Abdullah ibn Amr ibn al-As. Et qu'il fait partie des sahaba qui avaient le plus de narrations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et na'am. Donc, il avait le plus de narrations par rapport aux autres parce que, ou bien il faisait partie de ceux qui en avaient le plus, parce qu'il écrivait les hadiths. Il écrivait tout ce qu'il entendait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il avait, en plus de ça aussi, en général, les musulmans avaient, en plus de ça, l'habitude de mémoriser. Et il donnait plus d'importance à la mémorisation qu'à l'écriture. Et ils écrivaient la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils la transportaient dans leur cœur, et ils l'étudiaient entre eux, et donc ils se la transmettaient les uns avec les uns aux autres. Et il est arrivé plusieurs fois que certains d'entre les sahaba faisaient de longs voyages juste pour obtenir un seul hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on entend par exemple l'histoire que un d'entre eux quittait la région de l'Égypte pour aller jusqu'à la Mecque ou à Médine pour trouver un hadith. Et le cheikh il dit que yani, on sait tous la distance qu'il y a entre l'Égypte et l'Hijaz. Yani, c'est des grandes distances. Et vous savez qu'à l'époque également, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de bateaux, des gros bateaux comme aujourd'hui, il n'y avait pas de voiture. Donc les gens traversaient ou voyageaient à dos de chameaux. Et donc ça montre yani, l'importance qu'il donnait au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le respect qu'il portait à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Puis à l'époque du khalifa Omar ibn Abdul Aziz, eh bien, il y a eu l'initiative de commencer à rassembler les hadiths et les écrire et de se préoccuper justement de préserver la sunna. Et donc c'est à cette époque-là que l'écriture des hadiths a commencé. Il dit « Summa tatawwarat ba'da thalika kitabat al-hadith wal-musannafat wa'ullifat as-sihah wal-masanid wal-jawami' wal-ma'ajim لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتكونت دواوين السنة الموجودة والحمد لله بأيدي المسلمين اليوم وهو المجهود العظيم الذي قام به حفاظ الأمة الذين حفظوا هذه السنة النبوية من الزيادة والنقصان وحرسوها من الوضاعين والكذابين فألفوا فيها المؤلفات العظيمة التي لا توجد عند أمة من الأمم غير المسلمين ووضعوا ضوابط للرواية دقيقة لا يمكن لكذاب أن يتخطاها أو أن يتسلل من بينها حتى فضحوا كثيرا من الكذابين والوضاعين وبينوا حتى الضعفاء في الرواية والمتروكين. Donc, le cheikh, il explique que la préservation et l'écriture des hadiths a évolué par la suite et les hadiths maintenant sont devenus, on les a retrouvés par la suite et rassemblés, soit par catégorie comme par exemple les hadiths sahih, comme sahih muslim, sahih al-Bukhari, ou bien al-Mustadrak, al-Sahihain ou d'autres livres qui se consacrent ou bien qui sont concentrés sur le fait de rassembler les hadiths authentiques, hein, ou Sahih ibn Khuzayma et des livres de ce genre. Puis Al-Masanid, hein, comme la Musnad de l'imam Abu Daoud et Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i, Ibn Majah et la Musnad de l'imam Ahmad, les Sunan, ainsi de suite, les Jawami', les Ma'ajim. Donc tout ça sont des livres qui ont pour rôle de préserver les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc on a par la suite retrouvé tous ces différents livres, ces différents volumes qui préservent la sunna et qui sont présents encore aujourd'hui, walhamdulillah, qui sont entre les mains des musulmans jusqu'à nos jours. Et ça c'est pour montrer le grand effort que les musulmans ont fait pour préserver la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire les huffaz, ce qu'on appelle les huffaz, les mémorisateurs de la sunna. Ils ont préservé la sunna contre tout ajout ou contre tout diminution ou retrait qu'on pouvait faire à la sunna. Ils ont été comme des protecteurs ou des défenseurs de la sunna contre les gens qui veulent fabriquer des hadiths ou bien qui veulent inventer des mensonges et les attribuer faussement au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cette raison-là que tu trouves hein, des écrits et des livres écrits par les ulama pour justement classifier les narrateurs, hein, le cheikh il va mentionner des exemples à ce sujet, pour classifier les narrateurs selon leur degré et selon leur catégorie, les gens qui fabriquent les hadiths, les gens qui étaient des menteurs, on retrouve ça, hein, dans les livres de hadith, dans les livres qui sont consacrés à la science du hadith, et ça on le retrouve dans aucune autre nation autre que la nation de l'islam. Hein? Et donc ils ont mis également des conditions et des règles à respecter pour la transmission des hadiths, et ce sont des règles très précises, hein? Très méticuleuses, et il est impossible pour un menteur, hein, de traverser ces règles et ces barrières, ou de s'infiltrer entre ces conditions qui ont été établies par les ulama à ce sujet. Et à un tel point que beaucoup d'entre les gens qui mentaient ou qui fabriquaient des hadiths ont été démasqués facilement. Hein, étant donné que, alhamdoulilah, les ulama, ils ont établi des principes et des conditions et des règles, hein, très précises pour justement être capable de démasquer et de dévoiler ces narrateurs qui veulent essayer de mentir ou de fabriquer des choses fausses. Et même les faibles, parmi les gens qui transmettaient les hadiths, ils ont été mis à l'écart, les narrateurs qui font partie des du'afa, ou bien des matroukin, les gens qui ont été abandonnés ou qui ont été classifiés parmi les narrateurs faibles à cause de leur mémoire qui était pas forte ou des choses de ce genre, ou des gens qui mélangeaient les choses. Cheikh il dit ensuite, « Wa antum tajidun al-kutub al-an » كل كتاب أو كل مؤلف أو مؤلف تجدونه يخدم فنا من فنون السنة، هذا يعتني بالأحاديث الصحيحة، وهذا يعتني بالأسانيد ودراسة الرجال وبيان الجرح والتعديل، وهذا يعتني بتتبع الضعفاء والمتروكين ويضعهم في كتاب واحد ويحصرهم في كتاب واحد حتى يعرفوا، وهكذا والحمد لله سنة الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظة ومحروسة، وحفظها وحفظها هو من حفظ كتاب الله عز وجل، كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فكما أن الله حفظ القرآن من أن يزاد فيه أو أن ينقص فيه يعني، فكذلك حفظ السنة، حفظ سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها تبين القرآن وتوضحه وتفسره، وهذا من رحمة الله بهذه الأمة حيث حفظ لها هذين المصدرين العظيمين الكتاب والسنة النبوية. Donc le cheikh il dit, et vous trouvez aujourd'hui que chaque livre qui a été écrit, il veut servir une branche ou un domaine parmi les domaines de la sunna. Et donc, c'est pour cette raison-là que vous voyez certains livres se consacrent, comme on a dit tout à l'heure, aux hadiths qui sont authentiques. D'autres se consacrent aux chaînes de transmission. D'autres se consacrent à l'étude des narrateurs. Kutub al-Rijal, on les appelle. C'est-à-dire, c'est des livres qui mentionnent les biographies des narrateurs, qui ils étaient, à quelle année ils sont nés, qui étaient leurs shuyukh, qui étaient leurs élèves, et le verdict que les savants de Jarh wa Ta'dil ont mentionné à leur sujet. Est-ce qu'ils étaient fiables, est-ce qu'ils étaient faibles, est-ce qu'ils étaient menteurs, est-ce qu'ils étaient, hein, selon leur degré, est-ce que c'était des gens de bid'a, ainsi de suite. Tout ça c'est mentionné dans les livres de Jarh wa Ta'dil. Il y a des encyclopédies, des livres, hein, comme par exemple, tu vas trouver des collections de livres sur ce domaine, de Jarh al-Ta'dil, et des livres de Rijal. Et Ali, tu vas trouver des livres comme ça, 10 volumes, 20 volumes, à l'intérieur, il n'y a que des noms de narrateurs, et qu'est-ce que les savants ont dit à leur sujet. Hein? Donc, ça c'est, tout ça c'est dans le but de suivre les narrateurs et de savoir leur degré et qui ils sont, et est-ce qu'on peut prendre leur hadith ou non. Certains livres sont spécialisés dans les narrateurs faibles, al-du'afa. Certains livres sont spécifiques aux narrateurs qu'on appelle les matroukin, ceux qu'on abandonne. Certains livres sont spécifiques aux hadiths fabriqués, aux gens qui fabriquent des hadiths, al-wadda'oun. Hein? Donc, chaque savant de hadith, il a voulu servir cette science d'une manière particulière pour faciliter l'étude, justement, de la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, et pour préserver la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils ont fait ça dans le but de faciliter et pour être capable de distinguer les différents narrateurs et pour savoir qui ils sont, et ainsi de suite. Donc, ça fait partie de la gloire, de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a préservé la sunna de la même manière qu'il a préservé le Coran, hein, qu'il a préservé la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, de la même façon qu'il a préservé le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il mentionne dans sourate Al-Hijr, « Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun » Nous avons fait descendre le rappel, le dhikr, et c'est nous qui allons le préserver. Donc, ici dans ce verset, nous avons fait descendre le zikr. C'est pas seulement, comme certains pensent, le Coran. Le zikr, c'est pas seulement le Coran. Le zikr, c'est le Coran et la sunna. Hein? D'accord? Donc, c'est comme dans l'autre verset. Inna nazzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilayhim. Hein? On a fait descendre sur toi le rappel pour que tu puisses clarifier pour les hommes ce qui leur a été révélé. Donc le cheikh il dit, donc de la même manière que Allah subhanahu wa ta'ala a préservé le Coran contre tout ajout ou tout retrait, hein, ou soustraction, eh bien de la même manière il a préservé la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Parce que la sunna, c'est ce qui explique le Coran, c'est ce qui interprète le Coran. Et donc, si Allah subhanahu wa ta'ala préserve le Coran sans son explication, eh bien, ça ne sert à rien. Hein? Si tu as un livre, mais tu n'as pas l'explication de ce livre, eh bien, ça ne sert à rien d'avoir ce livre, parce que tu ne sauras pas quoi faire avec et comment l'utiliser. Et donc, il faut non seulement préserver le livre, mais il faut aussi préserver sa compréhension et son interprétation. Et c'est pour cette raison-là que Allah subhanahu wa ta'ala, il a non seulement préservé le Coran, mais il a aussi préservé la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que si tu regardes chez les gens du livre, par exemple les juifs et les chrétiens, eh bien tu vois qu'ils ont un livre, mais qu'ils sont tous en désaccord sur l'interprétation et la compréhension de ce livre. Hein, tu vois la Bible, chacun l'interprète à sa façon, parmi les chrétiens et parmi les juifs. Et c'est pour ça qu'ils se sont divisés entre eux, parce qu'ils n'ont pas préservé l'explication et la préservation des messagers. Hein? Ils ont tous dévié les uns les autres par rapport à ça. Tandis que le Coran, il est préservé dans sa compréhension par la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cette raison-là qu'on appelle les gens qui s'accrochent à la sunna Ahlus sunnati wal jama'a. Les gens de la sunna et de l'unité, de l'union, parce qu'ils ne se divisent pas. Pourquoi ils ne se divisent pas? Parce qu'ils ont ramené la compréhension du Coran à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et tu regardes les gens de bid'ah, c'est ceux qui se sont opposés ou qui ont contredit la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et c'est pour ça qu'ils se sont divisés. Hein? Et comme on dit souvent, yani, et comme plusieurs machaikh ils mentionnent cet exemple, les sectes qui ont dévié et qui se sont séparés de la sunna, ils sont comme des bactéries. Une fois qu'ils se sont divisés, eh bien ils se multiplient et ils deviennent beaucoup de sectes par la suite. Tandis que les gens de la sunna, alhamdoulilah, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba jusqu'à notre époque, eh bien c'est le même groupe qui va dans une ligne droite et qui continue sur cette ligne droite. Hein? Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans l'exemple, lorsqu'il a tracé un trait droit sur le sol, et que à gauche et à droite de ce trait, il a fait des petits traits. Hein? Et il a récité le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabilihi. Donc il a pointé vers le chemin, le trait droit. Il a dit: ça c'est le chemin d'Allah, hein, et voici mon chemin dans toute sa rectitude, alors suivez-le et ne suivez pas les petits sentiers, hein, qui vont vous faire dévier de son chemin. Et il a dit que les petits traits c'était des chemins d'égarement, et que à la tête de chacun d'entre ces chemins, de ces petits traits, de ces petits sentiers, il y avait un shaitan qui appelle les gens à le suivre. Donc les gens de la sunna, ils sont toujours sur ce chemin droit, et ils vont ni à gauche ni à droite, hein, tandis que les gens de la bid'a, c'est eux qui se dévient parce qu'ils ne retournent pas à la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, ou bien à la compréhension des salaf al-salih pour comprendre cette sunna. Et ensuite donc le cheikh il dit que ça c'est une grâce que Allah subhanahu wa ta'ala a donné à cette umma, du fait qu'il a préservé ces deux sources, hein, qui sont le Coran et la Sunna an-Nabawiyya. Ensuite il dit: wa hunaka ta'ifatun min al-mudallilin wa ta'ifatun min al-madsusin fi hadha az-zaman dhahara sharruhum amruhum wa sharruhum yushakkikuna fi sunnati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa yaquluna yakfina al-Quran. Hein? Donc le cheikh dit qu'il y a un groupe qui sont apparus à notre époque parmi les gens qui veulent égarer les gens, parmi ceux qui veulent appeler à l'égarement, parmi les gens qui essaient de s'infiltrer dans la Ummah, et leur mal est devenu apparent, hein? Et leur affaire est devenue claire maintenant. Ils essaient de faire douter en la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et ils disent: le Coran nous suffit. Hein, c'est ceux qu'on appelle al-Qur'aniyoun, hein, les Coranites, hein, ceux qui disent on doit juste se baser sur le Coran. Et parmi ceux-là, il y a différents groupes, hein, c'est pas une seule secte qui s'appelle Qur'aniyoun. Beaucoup de groupes de bid'a qui rejettent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein. Donc, on a remarqué parmi les groupes de bid'a qui rejettent la sunna, comme les Shia, Rafida, ils rejettent la sunna. Hein? Et il y a aussi par exemple d'autres tendances ou d'autres groupes comme les Mu'tazila, hein, qui utilisent leur raison et qui mettent des doutes sur l'authenticité de la sunna, hein? Eux ils disent il faut se référer à notre logique, et ils ont créé une certaine règle ou une certaine catégorisation du hadith pour justement se permettre de rejeter une partie de la sunna, en disant qu'ils se basent seulement sur qu'est-ce qui est mutawatir. Ils ont fait une distinction entre qu'est-ce qui est mutawatir et ahad. Cette distinction dans la question du hadith, elle n'existait pas, hein, à l'époque des salafs. Ça, c'est les Mu'tazila qui ont inventé cette distinction, hein, justement pour se permettre de mettre des doutes sur la sunna authentique du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit on prend seulement ce qui est mutawatir. Et mutawatir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est rapporté par un grand nombre, un nombre tellement grand que c'est impossible de douter de son authenticité, parce qu'on ne pourrait pas concevoir que tant de personnes se soient mis d'accord sur une chose alors qu'elle n'est pas vraie. Donc ça c'est qu'est-ce qu'ils appellent mutawatir, et al-ahad c'est qu'est-ce qui est rapporté par une ou deux personnes, yani un petit nombre. Donc eux ils ont classifié la sunna de cette façon: qu'est-ce qui est mutawatir et qu'est-ce qui est ahad. Et ils ont dit on prend la sunna qui est mutawatir, mais la sunna qui est ahad on l'utilise que dans les règles, on l'utilise pas dans la aqidah. Et la raison pourquoi ils appliquent ça, nous amènent cette règle, c'est justement pour se permettre de rejeter des aspects de la sunna qui sont authentiques, et pour utiliser leur raison pour parler de Allah subhanahu wa ta'ala, et pour parler du raïb, ou bien pour parler de la aqidah. Hein? Et les ulama de hadith et les ulama d'Ahlus Sunna, ils ont expliqué, ils ont clarifié que nous, on ne regarde pas la question de mutawatir ou de ahad. Qu'est-ce qui est important, c'est que le hadith soit sahih. Hein? Du moment que le hadith il est authentique, même s'il est apporté par une seule personne, il est obligatoire d'y croire et de l'accepter, que ce soit dans les règles de pratique ou que ce soit dans la aqidah ou dans les règles. Les deux, c'est la même chose. Du moment qu'il est sahih, on l'accepte et on le prend. Hein? C'est comme le hadith « Innama l'a'malu bin niyat wa innama li kulli imri'in ma nawa ». C'est un hadith rapporté par Omar ibn al-Khattab. Eh bien, c'est un hadith qui est ahad. Hein? Mais il est sahih. Il est apporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc, les ulama, ils regardent l'authenticité du hadith. Et on a plein d'exemples, comme l'exemple qu'on a mentionné tout à l'heure, de l'homme qui est venu alors que les sahaba étaient en train de faire la salat vers Bayt al-Maqdis. Et il y a un homme qui est venu pour leur dire, on a changé la direction de la Qibla vers la Kaaba. Est-ce que les sahaba ont dit, non, c'est pas mutawatir, parce qu'il y a juste une personne qui nous l'a dit, donc on va continuer à prier vers Bayt al-Maqdis? Non. Du moment qu'il y a une personne qui est venue leur dire, eh bien, ils ont accepté parce qu'ils savent que c'est une personne qui est fiable et qui ment pas et qui transmet l'information. Donc, ils se sont tournés sur le champ et ils ont suivi cet exemple. Et il y a plein d'autres exemples comme ça à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait envoyé parmi les sahaba pour aller transmettre l'islam de différentes régions et qu'ils étaient tout seuls. Hein? Comme Mu'adh ibn Jabal, quand il l'a envoyé au Yémen, il était seul. Est-ce que les gens du Yémen allaient dire, maintenant toi t'es tout seul, donc t'es pas mutawatir, on va pas prendre ta parole jusqu'à ce que il y a une cinquantaine de sahaba qui viennent confirmer qu'est-ce que tu dis? Hein? Il y a aucune sorte de choses de ce genre qui ont été demandées à cette époque-là. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui transmet le message d'Allah, il est venu avec la parole d'Allah, il était seul. Hein? Il est ahad aussi de cette façon-là. Donc si tu mets des doutes sur ça, tu dois mettre même des objections sur la transmission de la religion de la part du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, ce sont des shubuhat que les gens de bid'a ont ramené pour mettre des doutes sur la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et nous, on ne doit pas retourner à ces doutes ou à ces shubuhat. On doit prendre la religion du moment qu'elle est transmise de façon authentique par les ulama, par les sahaba, par les tabi'in et tabi'in et ceux qui les ont suivis. Du moment que c'est sahih, on le prend. Et donc ça, c'est ceux qui rejettent la sunna de façon partielle, comme les Mu'tazila et d'autres. Et il y en a qui rejettent de façon complète, totale, comme par exemple les Qadianiyya. Il y a une secte aujourd'hui qu'on appelle les Qadianiyya ou les Ahmadiyya, qui croit en un nouveau prophète qui est venu en Inde, qui s'appelle Ghulam Ahmad. Ils disent que c'est leur prophète. Et eux, ils rejettent la sunna. Et tous les ulamas se sont mis d'accord pour dire que ceux-là sont des kuffars, ce sont pas des musulmans. Et bien entendu, parce que quiconque croit en un autre prophète après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien c'est certain qu'il n'est pas musulman. Et également parce qu'il rejette aussi la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et il se propage surtout en Occident, dans les pays occidentaux, ici en Europe ou bien en Amérique, au Canada et aux États-Unis, parce que là-bas ils ont la liberté. Ils ont la liberté de propager leurs mécréances et leurs égarements. Donc il faut faire attention à ceux-là. Et eux, ils rejettent la sunna et ils disent on doit juste se baser sur le Coran. Ils mettent des doutes, ils veulent mettre des doutes à la sunna. Et parmi les shubuhat qu'ils utilisent, c'est quelques-unes d'entre celles que le cheikh il mentionne. Comme par exemple, il dit يقولون يكفينا القرآن. الله جل وعلا يقول في القرآن ما فرقنا في الكتاب من شيء ويقول تبيانا لكل شيء فالقرآن يكفي لا حاجة إلى السنة لأن السنة بزعمهم ليست متواترة إنما رويت عن طريق الرواة ويخشى أنها يدخلها شيء من الكذب ولكن القرآن موثوق به كما يقولون فيكفي الموثوق به والثابت قطعا ويقينا ونترك ما فيه شك وهكذا يقولون قبحهم الله وهؤلاء في الواقع يريدون إبطال الشريعة ولكن بطريقة خبيثة ماكرة لا يقدرون أن يقولوا للناس اتركوا الشريعة أو اتركوا الإسلام وإنما يأتون بطريقة خبيثة وبطريقة شيطانية يقولون اعملوا بالقرآن ويكفي عن السنة لأنهم يعلمون أن يعلمون إنه إذا عطلت السنة أو عطلت السنة لا قدر الله تعطل القرآن وبالتالي تعطلت الشريعة كلها لأن السنة كما عرفنا أنها تبين القرآن فإن أطعنا هؤلاء لا قدر الله ولم نعمل بالسنة فكيف نصلي وكيف نصوم وكيف نزكي وكيف نحج وكيف نعرف الحلال من الحرام في المعاملات والبيوع وغيرها وكيف نعرف المحرمات في الأنكحة وغيرها إلا من طريق السنة فبهذا تتعطل الشريعة الإسلامية وهؤلاء أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضحهم من قبل 14 سنة أو 14 قرنا قال عليه الصلاة والسلام يوشك رجل شبعان على أريكته شبعان على أريكته متكئا على أريكته يبلغه الحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله ما أحله أحللناه وما حرمه حرمناه فقال عليه الصلاة والسلام ألا وإني أتيت الكتاب ومثله معه أي نعم. Donc le cheikh il explique, il dit que ces gens-là ils disent le Coran nous suffit et Allah subhanahu wa ta'ala il dit ما فرطنا في الكتاب من شيء le verset 38 dans sourate Al-An'am, c'est-à-dire on n'a rien oublié dans le Coran. Ou bien le verset 89 dans sourate Al-Nahl, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit tibyanan likulli shay, c'est-à-dire pour expliquer toute chose. Donc ils disent que le Coran suffit et qu'on n'a pas besoin de la sunna et que eux selon ce qu'ils imaginent que la sunna elle n'est pas comme on a dit tout à l'heure mutawatir, hein, elle n'est pas mutawatira, elle a été transmise par différents narrateurs et ils disent on craint que il y ait des mensonges qui se soient infiltrés ou incrustés à l'intérieur. Tandis que le Coran, il est fiable. Et donc, ce qui est fiable, ça nous suffit. Hein? Et ils disent, on doit abandonner ce en quoi il y a un doute. Hein? Ça, c'est ce qu'ils disent, que Allah subhanahu wa ta'ala les maudisse. Et ceux-là, en réalité, ils veulent quoi? Ils veulent détruire la charia. Ils veulent annuler la charia. Mais ils veulent le faire de cette manière rusée. Hein? C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de venir directement chez les gens pour leur dire abandonner la charia, abandonner l'islam. Donc ils utilisent cette ruse, ils viennent et ils disent à la place eh bien cette méthode, il faut se baser juste sur le Coran, il faut juste se baser sur qu'est-ce qui est dans le livre d'Allah. Donc ça c'est une méthode qui est diabolique qu'ils utilisent, une méthode qui est rusée pour essayer de combattre la charia d'Allah et la religion d'Allah. Donc ils disent appliquez seulement le Coran, vous n'avez pas besoin de la sunna, parce qu'ils savent que si on met de côté la sunna et qu'on cesse de l'appliquer, que Allah nous en préserve, eh bien que le Coran également sera inapplicable par la suite et que la charia sera inapplicable également par la suite. Donc si on obéit à ces gens-là, que Allah nous en préserve, alors dans ce cas-là, comment on va faire pour faire la salat? Comment on va faire pour faire le jeûne de Ramadan? Comment on va faire pour payer la zakat? Comment on va faire pour faire notre hajj? Comment on va savoir ce qui est halal et ce qui est haram dans nos transactions et dans le commerce et dans d'autres domaines? Et comment on va savoir les choses qui sont haram dans le mariage et dans d'autres choses de ce genre? Ou bien dans le divorce, hein, ou d'autres règles de la charia? Donc si on écoute ce que ces gens sont en train de dire, eh bien, c'est clair que la charia sera complètement annulée. Hein? Allahu al-musta'an. Et le cheikh, il nous dit que le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous avait annoncé et informé que cette catégorie de personnes allait apparaître 14 siècles auparavant. Il nous avait déjà mis en garde à leur sujet dans un hadith authentique rapporté par Abu Daoud, dans lequel il dit que vous allez peut-être voir un homme qui est le ventre bien rempli, accoudé sur son sofa ou sur son lit. Et quand on lui transmet un hadith de moi, il commence à dire, entre vous et nous, il y a le livre d'Allah. Ce qui est dedans comme halal, je le considère halal, et ce qui est dedans comme haram, je le considère comme haram, ou on le considère comme étant haram. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ensuite, certes, on m'a donné le livre et quelque chose de pareil avec. On m'a donné le livre, c'est-à-dire le Coran, et quelque chose de pareil avec, c'est-à-dire la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهذا الحديث فيه معجزة عظيمة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هؤلاء وبين لنا أنه عليه الصلاة والسلام أعطي القرآن وأعطي السنة وكلاهما من عند الله عز وجل كما قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Donc il y a dans ce hadith un grand miracle parmi les miracles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il nous a informé avant que cela se produise, des siècles à l'avance, que cette catégorie de personnes allait venir. Et il nous a mis en garde contre eux, et il nous a clarifié leur description. Et il nous a expliqué que, également, on lui a donné le Coran, et on lui a donné également, Allah lui a donné la Sunna aussi. Et que les deux viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. C'est-à-dire, il ne parle pas selon ou sous l'effet de la passion, ce n'est qu'une révélation qui lui est révélée. Donc ça c'est la clarification à ce sujet-là. Et on a beaucoup de cette catégorie aujourd'hui des soi-disant philosophes islamiques ou des gens qui parlent de l'islam en se basant sur la philosophie, et quand on leur rapporte des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou même parfois des versets de Coran, ils essaient de les remettre en question. Parce que ces gens-là, les Mu'tazila, même s'ils prétendent essayer de mettre des doutes en la sunna et qu'ils prétendent suivre le Coran, parce que soi-disant selon eux c'est mutawatir, eh bien même le Coran n'a pas été épargné de leur falsification et de leur tentative déformation de son sens, puisqu'ils n'ont pas été capables de le falsifier ou d'essayer de le changer ou de le nier ouvertement, eh bien ils ont utilisé d'autres ruses, c'est d'essayer de déformer son sens et sa signification et de l'interpréter selon leur passion et leur désir. Allah al-musta'an. Donc ils ont établi, comme plusieurs savants ont expliqué, ils ont établi des règles, des bases qu'ils ont extraites de la philosophie grecque ou bien de la philosophie de Platon et d'Aristote. Et en se basant sur ces règles-là, ils ont commencé à essayer de vouloir mettre ça au-dessus du Coran et au-dessus de la Sunna. Et donc après, ils ont commencé à rejeter et déformer ce qui n'était pas en accord avec leurs règles rationnelles ou logiques selon eux, dans le Coran et dans la Sunna. Donc s'ils trouvaient un verset dans le Coran qui contredit leurs principes, eh bien ils le rejettent, ils le déforment, ils changent sa signification. Donc s'ils trouvent des versets qui parlent des attributs d'Allah, ils disent non, ça c'est pas logique, on peut pas l'accepter, on veut pas affirmer ces attributs-là à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut déformer leur sens. Donc ça c'est des exemples. Hein, et comme yani, le frère Ammar il expliquait il y a pas long, quelques jours, peut-être avant hier, quand il a fait une conférence, c'était avant hier, il a mentionné que certains d'entre eux, comme quand ils parlent, au lieu de dire « Ashhadu an la ilaha illallah » ou « Ashhadu anna Muhammad Rasulullah », c'est comme s'ils disaient à la place « Ashhadu an la ilaha illallah » ou « Ashhadu anna aqli Rasulullah ». Hein, je témoigne que yani, ma raison ou mon intelligence est le messager d'Allah. Puisque ces gens-là, ils n'ont pas besoin de la révélation, puisqu'ils se basent sur leur logique personnelle, sur leurs opinions personnelles, et qu'ils placent cette opinion et cette intelligence ou cette logique qu'ils ont au-dessus de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en réalité, ils ne se soumettent pas à Allah et à son messager, ils se soumettent à leur propre passion, à leur propre désir, et ils essaient de justifier leur passion en lui donnant un autre nom pour essayer de le faire passer en disant que c'est de la logique. Hein? Alors qu'en réalité, il n'y a rien que de la passion là-dedans. D'accord? Donc le cheikh, il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, donc sa parole, c'est une révélation. Ce n'est pas une passion qui... c'est pas une passion, c'est une révélation qu'il nous transmet. De la même manière que c'est une révélation de la même manière que le Coran. أما ما قالوه من أن القرآن نقل بالتواتر وأنه ثابت قطعا وأن السنة فهي تثبت برواية الرواة ويدخلها شيء من الخلل فهي ليست كالقرآن فهذا قول باطل وحجة داحضة لأن السنة كما بينا ما جاءت عفوا و ترك المجال وترك المجال لكل راو وما ترك المجال لكل راو ولكل لكل محدث السنة ليست كقصص ألف ليلة وليلة أو كقصص الأدباء والخرافيين أو الذين يحكون القصص الخيالية السنة لم تروى عفوا السنة هي طرق تروى بها ولها ضوابط ولها رجال يحفظونها ويحرصونها من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهدنا وإلى ما شاء الله السنة محروسة محفوظة بحفظ الله سبحانه وتعالى يعلم الكذاب والراوي الضعيف والراوي المتروك ويعرف ويترك وتقبل رواية ولا تقبل روايته بما وضع لهذا العلم العظيم من ضوابط وقواعد متقنة أو متقنة ليس لتلاعب ليس لمتلاعب مجال في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il explique que en ce qui concerne ce qu'ils ont dit au sujet du fait que le Coran il est transmis de façon mutawatir, en disant qu'il est transmis par un grand nombre et qu'il est donc authentique avec certitude, tandis que la sunna eh bien elle est transmise par narration et donc il peut y avoir des défaillances dedans ou des choses de ce genre et qu'elle n'est pas comme le Coran, il dit le cheikh que ça c'est une parole qui est complètement fausse, hein, et c'est un argument complètement rejeté, parce que la sunna elle n'a pas été transmise à l'aveuglette, elle n'a pas été transmise à l'aveuglette, et c'est pas chaque narrateur qui peut transmettre comme il veut les choses, hein. C'est pas comme des histoires de mille et une nuits ou bien des histoires des romanciers ou des gens qui écrivent des histoires imaginaires, hein, ou bien des gens qui rapportent n'importe quoi. Non, la sunna, elle n'a pas été transmise à l'aveuglette de cette façon. Et même que certains parmi les chouurs, j'ai entendu certains d'entre eux qui expliquaient que ceux qui nous ont transmis la sunna, ceux qui nous ont transmis le Coran, ce sont les mêmes qui nous ont transmis la sunna. Et le sunna, et même le Coran, il est transmis par des chaînes de transmission aussi. Hein? Chaque narration, ou chaque qira'a qu'on a du Coran, elle est transmise avec une chaîne de transmission. Hein? Et yani, ceux qui nous ont transmis le Coran sont les mêmes que ceux qui nous ont transmis la Sunna, hein? Parmi les Sahaba et les Tabi'in et ainsi de suite. Donc celui qui doute en la sunna, il doute également en le Coran, indirectement. Et le cheikh, il explique, il dit donc que la sunna, elle a été transmise par des voies et selon des règles. Et la sunna, elle a été transmise par des hommes qui l'ont mémorisé et qui l'ont préservé depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à notre époque, hein, et jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala le veuille. Et la sunna donc, elle est gardée, elle est préservée par la préservation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on peut savoir qui est un narrateur, qui est menteur, lequel d'entre eux est faible, lequel d'entre eux est abandonné, lequel d'entre eux on n'accepte pas sa narration ou sa transmission à cause des règles et des principes qui ont été établis par cette science, et des règles de maîtrise qui ont été ramenées, qui ne laissent aucune place à celui qui veut essayer de jouer avec la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, d'essayer de commencer à mélanger les choses. وَمَا مِنْ كَذَّابٍ إِلَّا فَضَحُوهُ وَمَا مِنْ ضَعِيفٍ إِلَّا بَيَّنُوهُ حَتَّى الْمُدَلِّسِ وَحَتَّى الْمُخْتَلِطِ من الثقات بينوه ولم يتركوا فرصة فكيف بالكذابين والوضعين فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظة ومحروسة ولا مجال لمتلاعب فيها وهي في نفوس المسلمين أعظم من أن تنالها الأيدي الأثيمة أو أن يتناولها الكذابون الوضعون ولله الحمد و ولله الحمد والمنة فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال والحمد لله كما رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناقلها الثقات عن الثقات وهي مدونة في دواوين السنة فبهذا يندفع تشبيه هؤلاء المشبهين والتدجيل هؤلاء الدجالين وتبقى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم صحيحة ثابتة تبقى صحيحة ثابتة عنه لا يتطرق إليها خلل ولا يصل إليها كذاب أو متلاعب. Donc le cheikh il dit, il n'y a pas un menteur, excepté qu'il a été démasqué. Hein? Il n'y a pas quelqu'un qui était faible, excepté que les savants l'ont clarifié. Il n'y a pas quelqu'un qui amène une forme de tadlis, excepté que les ulama l'ont mentionné. Tadlis, yani c'est ceux qui ne mentionnent pas... Yani, c'est ceux comme par exemple qui ne mentionnent pas la réalité de la personne qui leur transmet la parole qu'ils transmettent. Comme si par exemple, ils vont mentionner qu'ils ont reçu une parole de quelqu'un, mais ils ne vont pas nommer cette personne-là par un nom par lequel il est connu par tout le monde, hein, pour cacher son identité. Donc ça c'est un exemple qu'on appelle tadlis. Il y a différentes forme de tadlis également, bon, mais ça c'est juste pour donner une idée qu'est-ce que ça signifie. Ou bien hatta al-mukhtalit min as-siqat, même les narrateurs qui sont mélangés ou confus, des fois on est mélangé ou confus par rapport à leur identité ou des choses comme ça, ils ont clarifié toutes ces choses-là, il n'y a rien qui est laissé à l'aveuglette. Et si vous voulez avoir plus de détails sur ces questions-là, juste pour vous donner une petite idée, eh bien, il y a des petits livres qui ont été écrits par les ulama de l'islam pour expliquer les sciences, la science du hadith et les terminologies qui sont employées par les ulama de hadith. Comme un des livres les plus faciles et les plus simples pour commencer, c'est Al-Bayquniya. Al-Bayquniya, c'est un petit poème, environ 33 vers, et il y a dedans la définition de chaque hadith, hein. Expliquer, pas de chaque hadith, mais de chaque terminologie, comme qu'est-ce que c'est le sahih, qu'est-ce que c'est le da'if, qu'est-ce que c'est le hasan, qu'est-ce que c'est, et ainsi de suite. Puis il y a plein d'autres différents livres comme ça, il y en a qui sont plus avancés, plus élaborés, il y en a qui sont plus résumés, et ainsi de suite. puis aller lire dans les autres domaines si vous voulez voir comment les ulama ont classifié ces choses-là, comment ils ont expliqué et catégorisé ces différentes choses pour préserver la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc tous ceux qui voulaient essayer de ramener des mensonges ou falsifier des paroles et les attribuer faussement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien ils n'ont aucun moyen de le faire à cause de ça. Et donc la sunna, elle est préservée, comme on a dit tout à l'heure, personne ne peut jouer avec, et elle a une grande place dans le cœur des musulmans, hein, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle continue à être préservée et à être transmise. Elle a toujours été transmise de cette façon. Maintenant, on a les livres qui préservent la sunna. Et tout ce qu'on a mentionné, donc ça vient repousser et rejeter les shubuhat des menteurs et des fossoyeurs, des gens qui veulent ramener des doutes dans la sunna. Et il dit que, donc, il n'y a aucun mensonge, aucun doute, aucune défaillance, aucune de ces choses-là qui peuvent pénétrer dans la sunna. Et ça fait partie de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa faveur pour sa créature. Il dit: نعم يوجد التلاعب في كتب القصص أو بعض كتب التواريخ وقد يوجد فيها دس وكذب أما السنة فهي والحمد لله إلى جانب والقرآن محفوظة إلى جانب القرآن محفوظة ومحروسة برجال أعدهم الله عز وجل لحفظها وحراستها ولا تتطاول إليها يد متلاعب مهما حاول هؤلاء المغرضون فإن محاولتهم مردودة عليهم ومن طعن في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وزعم أنه لا يجوز العمل بها وإنما يعمل بالقرآن وحده فهذا كافر لأنه جحد الأصل الثاني من أصول الشرع وهو سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الذي يقول أنه لا يعمل بالسنة يقول لا تطيع الرسول أطيع الله فقط وبالتالي هو لم يطع الله لأن الله أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لم يطع الله ولم يطع الرسول صلى الله عليه وسلم نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق للعلم النافع والعمل الصالح وأن يلهمنا رشدنا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرنا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم صلى الله عليه وسلم. Donc ça c'est la fin de cette conférence. Le cheikh il termine en disant donc que la sunna, elle est avec le Coran préservée, hein, et protégée, et que Allah a fait en sorte qu'il y ait des hommes pour la défendre et pour la protéger, pour que les mains de ceux qui veulent essayer de la falsifier ou jouer avec ne soient pas capables de le faire. Et quiconque essaie parmi eux, eh bien, ça retombe sur lui. Et celui qui essaie de dire que on doit juste appliquer le Coran, on ne doit pas appliquer la sunna, eh bien, le verdict au sujet de cette personne, c'est qu'il est kafir. Le verdict au sujet de la personne qui dit ça, c'est qu'il est kafir parce qu'il a renié le deuxième fondement de la sharia, parmi les fondements de la sharia, c'est-à-dire la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, celui qui rejette la sunna, il n'est pas musulman, il est kafir. Il dit, le cheikh, que celui qui dit ça, c'est comme s'il disait, obéissez pas au messager, sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme s'il disait, obéissez seulement à Allah, n'obéissez pas au messager. Et donc, c'est comme si, en même temps, il n'obéissait ni à Allah, ni à son messager. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ordonne d'obéir au messager. Donc, si tu n'obéis pas au messager, tu n'as pas obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu n'as pas obéi au messager non plus. Donc il termine donc cette conférence par un dua dans lequel il demande que Allah subhanahu wa ta'ala mette sur nous et sur vous le succès d'obtenir la science qui est bénéfique et des bonnes œuvres, de faire les bonnes œuvres, et qu'il nous inspire la bonne orientation, la guidance, et qu'il nous fasse voir la vérité comme telle, et qu'il nous permette et qu'il nous donne la possibilité de suivre cette vérité, et qu'il nous montre qu'est-ce qui est faux comme étant faux, et qu'il nous donne la possibilité de nous en écarter. Et il est certes omnipotent, il a le pouvoir sur toutes choses. Et il termine en disant que la paix et le salut soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a terminé cette conférence du Cheikh Salih al-Fawzan à ce sujet, et la prochaine intervention, inshallah, eh bien, elle sera un retour sur les preuves de l'obligation de suivre la sunna, avec quelques explications à ce sujet-là, dans les paroles du Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali dans son livre Hujjatu Khabar al-Ahad. Hujjatu Khabar al-Ahad fil Aqaidi wal Ahkam. On va lire quelques pages de ce livre, inshallah, pour juste résumer les preuves de l'obligation de suivre la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. En passant, ce livre du Cheikh Rabi', il est un livre excellent pour réfuter les choubouhats de ceux qui mettent des doutes au sujet de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il clarifie, il réfute beaucoup des choubouhats qui sont apparus à notre siècle à ce sujet-là. Et parce qu'il y a une catégorie de gens qui veulent ramener ou faire revivre la voix des Mu'tazila à notre époque. Donc, Inch'Allah, on va lire quelques points de ce livre-là si on est capable, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.